On me souhaite une bonne arrivée. On me souhaite une bonne arrivée. On me souhaite tout plein de vie belle, de vivre heureux sur terre. Je voudrais vous l'annoncer. On me souhaite. Dans la rue, au rythme des marées, les moines se sont dirigés au matin au monastère. Depuis le toit, je les ai regardés. Mes pouces vous ont fasciné. Je viendrai vous visiter. On me souhaite une bonne arrivée. 12h30 de trajet. Je voudrais bien m'étirer. On me souhaite tout plein de vie belle, du bouddhisme et du zen. Je voulais vous l'annoncer. Tous les matins sur le toit de l'hôtel, quelques postures au réveil. Les moines sont comme la marée, la marée est comme les moines. Les moines comme la marée, la marée. Je n'ai pas fini, j'explore toute ton histoire. Il paraîtrait même que je l'ignore. Et il reste encore ce décor dedans moi. Attends voir. Ok, c'est bon, c'était un bon voyage.